Merci, Public en délire. Merci. Vous êtes à CKRL au 89.1, la radio, la radio, la radio. Comment? Si je peux sauver des vies, c'est cool, hein? Oh non, c'est pas cool, c'est pas cool. C'est terminé pour toi, là, mon chat Catherine. Philippe Catherine aime bien, il en redemande toujours, et puis, là, c'est plus à son tour, là. Ton jour de gloire était arrivé. D'entre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglante élevé, c'est pas ça du tout. Vous avez la chance, actuellement, d'écouter l'émission qui sera diffusée le 7 janvier 2010. Non, 2011. 2010, c'est terminé! Y a-tu des gens qui vont se tromper, là, hein? Y a-tu des individus qui vont encore signer, là, le 7 janvier 2010? Parce que, dans notre tête, ça prend 10 mois avant de s'habituer à 2011. 10 mois! Pis là, on est rendu au mois de novembre, pis là, après, non, au mois d'octobre, après ça, le mois de novembre, c'est vrai, on est en 2011, hein, faudrait peut-être écrire 2011, après ça, là, hein, le mois de décembre, 2011, pis là, ensuite, l'année suivante, c'est 2012, pis on est encore à 2011. Là, aujourd'hui, c'est 2010, on a changé pour 2011, pis on sera jamais en temps, notre cerveau se préparera jamais assez. Hey, moi, là, ça fait 6 mois, je me dis, hey, l'année prochaine, c'est 2011, l'année prochaine, c'est 2011, l'année prochaine, pis on dirait que ça rentre pas. Alors donc, je tiens à vous dire que le 7 janvier 2011, ce que vous allez entendre, c'est ça. Je fais une errance le 1er janvier 2011. Eh, moi, j'ai rien compris. Bon, Coral, t'as-tu compris ce que le monsieur a dit? Moi, je pense que son cerveau se fonctionne plus. Il y a comme une confusion des idéologies. Eh bien, ça fait... Je tiens à dire que ça fait longtemps qu'on a une confusion des idéologies, ce gars-là. Mais ça fait des maudites bonnes émissions de radio! Mais là, c'est toi qui le dis, là. Ben, il y en a qui aiment pas ça, hein? La majorité aime pas ça. Mais là, c'est qui nous écoute? La minorité. Oh, la minorité qui rit de nous! Oui, la minorité qui se moque! Mais tant mieux, moquez-vous, c'est le temps! c'est le moment fatidique! Fatiqué, fatidique, je le connais pas, lui. Ben voyons donc, on l'a pratiqué ensemble, fatidique. Ah, c'est pas le fatigant qui meurt, non, c'est le fatidique. Il meurt jamais, lui. Ben non, c'est fatidique. Arrête de répéter, moi j'essaie de comprendre. Moi là, j'ai le cerveau qui va selon la compréhension de tes mots. Ben ouais, ben là, dis pas des choses. T'as pas un cerveau, toi, ben voyons, t'as un cervelet. Ah, oh, ben moi, je préfère ça, moi. Très mou. Comment ça, tu as touché? Ben en fait, on peut rapidement là constater dans ton regard un certain flou intellectuel. Ouais, mais tous les grands penseurs sont comme ça. Ben ouais, hey, y a personne qui pense en 2011. En 2010, il y en avait. Oh, il y en avait pas plus. Ça a commencé à réfléchir en 2012, hein? Au mois de décembre 2012, mais il était trop tard. Comment ça? Mais tout le monde est mort! Ah oui, c'est vrai, c'est les Maillets qui nous ont annoncé. Ben oui, les Maillets ont pas voulu continuer, ils sont fatigués en 2012. Et à un moment donné, tu sais, 2000, 2001, 2002, c'est fatigant. 2003, après ça, 2010, 2011, là, le stylo manquait. 2012, puis... Voyons donc, le crayon mine a lâché, il n'a plus de mine. Donne-moi la commande de mon... Pour l'amour de Dieu! donne-moi ta pâte pour l'amour... Et c'est comme ça que les Maillets sont arrêtés en 2012, décembre 2012. Ouais, mais là, c'est, on n'est pas en décembre, je sais que ça crée une certaine confusion auprès de nos auditeurs et on s'en excuse infiniment. Et effectivement, nous sommes le 7 janvier 2011. Admettons. Comment ça, admettons? Parce qu'on n'est pas le 7. Ouais, on n'est pas le 7. On est le premier. Ah, oh, pour toi, c'est toujours le premier parce que t'es un champion. Tous les champions misent... La première place. La première place. Bravo, bravo, bravo. Hey, comment ça, ça arrête là? Oh, ça a mâché. Ça va-tu faire ça longtemps, monsieur le docteur? C'est parti. Thank you. Avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Dans ses pantalons, de là lui venait son surnom, Bouse ou les culottes. Il n'y avait qu'une cinquième année, il savait à peine compter, Bouse ou les culottes. Comme il baragouinait l'anglais, comme gardien de nuit il travaillait, Bouse ou les culottes. Même s'il était un peu dingue, il avait compris qu'il faut être bilingue, Bouse ou les culottes. Un jour quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, Bouse ou les culottes. Que les Anglais avaient les bonnes places et qu'il lui riait en pleine face, Bouse ou les culottes. Il n'a pas cherché à connaître le vrai fond de toute cette affaire, Bouse ou les culottes. Si son élite, si son clergé, depuis toujours l'avait trompé, Bouse ou les culottes. Il a volé de la dynamite, puis dans un quartier plein d'hypocrites, Bouse ou les culottes. Il a fait sauter un monument à la mémoire des conquérants, Bouse ou les culottes. Tout le pays s'est réveillé, puis la police l'a attrapé, Bouse ou les culottes. On l'a vite entré en dedans, on l'a oublié depuis 7 ans, Bouse ou les culottes. Mais depuis que tu t'es fâché, dans le pays ça a bien changé, Bouse ou les culottes. Nos politiciens à gogo font les braves, font les pharaons, Bouse ou les culottes. Ils réclament enfin des droits que les autres ne refusent pas, Bouse ou les culottes. De peur qu'il y en aurait d'autres comme toi, qu'aurait le goût de recommencer, Bouse ou les culottes. Quand tu sortiras de prison, personne voudra savoir ton nom, Bouse ou les culottes. Quand on est de la race des pionniers, on est fait pour être oublié, Bouse ou les culottes. Je crois que les gens n'aiment pas le son. Même le son de leur propre voix, ils ne l'aiment pas. À la radio, on peut encore rire un peu. À la télé, c'est plus... Ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas leur histoire. Par contre, ils aiment raconter ou entendre des histoires au sens où on dit « soit raconte-moi une histoire, soit arrête de raconter des histoires. » Et l'histoire n'intéresse. Le son n'intéresse pas en tant que son. Je sais plus où je suis des fois. Des fois je dis merde, il y a des gens qui sont là, il faut quand même que je fasse que... Non, je suis ailleurs. C'est bien. Ils doivent partir avec moi, c'est ça mon rêve, qu'ils partent avec moi. On est ailleurs, on oublie tout. Et on nous donne des haut-parleurs qui rejoignent des milliers, des millions de personnes. C'est une chance et un privilège que d'autres n'ont pas. faut que les chevaux sauvages de l'inspiration puissent tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique, il faut que ça détruise tout, et puis que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. S'il n'y avait pas le rire pour nous aider à supporter cette redoutable vie, je ne sais pas comment on ferait. C'est de la survie, le rire. La musique. Et les amis. Et rigoler. Quand on peut, il faut rigoler. Faut rire. Je vous embrasse. Faut rire de tout ce qui est insupportable pour prendre de la distance. Tout le monde, vous savez, les gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais vous briser. En tonnerre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Monsieur le Président, messieurs les pas trop catholiques, je tiens à dire à la ville de Québec là, qu'au coin de la 4e rue et de la 3e avenue, il y a un lampadaire qui me fait des clins d'œil depuis tout le début de la soirée. Et moi, je me dis deux choses l'une. Soit que la lumière essaie de s'évaporer et de s'amener vers la fin, que l'on appelle la mort, ou bien qu'elle me trouve de son goût et qu'elle aimerait bien que je monte en haut du poteau, lui frencher la lumière. Mais je crois que sincèrement, là, le premier des camps a toujours sa place, là, parce que si un lampadaire me fait des clins d'œil, il y a un petit problème, hein? N'est-ce pas, monsieur le docteur? Ben oui, les problèmes ont débuté à ta naissance, toi. Comment ça? Ben, lorsque t'as respiré pour la première fois... Oui. C'est une erreur. Comment ça? Ben, parce que à l'origine de ton existence... Oui. Ben, t'étais qualifié comme un enfant qui ne devait pas survivre. Ben, voyons donc, vous. Ben, selon les pompiers en haut, là. En haut? Ben, en haut dans le ciel, parce que tout est supervisé par le ciel. Voyons donc, le clergé mêlé là-dedans. Plus haut que le clergé, le ciel! Hey, y a-tu quelque chose plus haut que le ciel? Ben là, vous me prenez au dépourvu. Mais non, y a rien de plus haut que... Voyons donc! Quand il y a des nuages, en haut des nuages, c'est quoi? Ben, en haut de... le ciel, il y a des nuages dans le ciel. Oui, mais plus haut que les nuages! Ben là, je sais pas, il y a le soleil. Ah oui, après, ben, je connais pas la galaxie, moi. Ben, c'est selon eux, là... Qui ça, eux? Qui ça, eux? Ben, les papiers que j'ai reçus. D'où? De l'eau de l'as. Oh, monsieur... Ça fait peur, là. Mais là, c'est toujours intriguant ce qu'on connaît pas. Mais moi, je vais te le dire, m'a déchiffré tout ça, c'est des codes. Ah, mon Dieu, pas comme l'autre, comment il s'appelait, donc, Nostrabalus. Nostrafalus. Et lui, ça l'agitait. Quoi, le Nostra? Non, le phallus. Parce que, à l'heure qu'il est, on a le droit de le dire. Non, mais on va dire les vraies affaires, là, Mme Tremblay, ayez pas peur, là. Tournez voiture sa spaghetti, ça prendra pas dans le fond. Normalement, ça fait combien d'années que vous tournez voiture sa spaghetti? Oh, ben oui, ça va faire 23 ans avec mon rosaire. Puis en tout et partout. Oui, mais là, je suis partout. Ben, ça doit faire au moins 50 ans. 50 ans que vous tournez voiture sa spaghetti, ça doit être mangeable, ça, là. Mais on dit que plus ça bouillotte, plus c'est rigolo. Mais plus c'est... Plus ça se donne à manger à des étrangers parce qu'ils se disent « Oh, c'est une dame qui a fait mijoter! » Oh, vous avez raison, là. Il faut donc laisser mijoter. Plus longtemps vous faites mijotise, plus longtemps vous faites rêvise. Rêvise qui? Ben, rêvise les gens qui vont manger votre spaghettis! Vous avez raison. Alors, Monsieur le Président, messieurs les patrouilles, qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus, là? Ben, j'ai absolument rien à dire. On m'a dit dans l'au-delà que vous ne deviez pas être ici maintenant, à ce temps précis, en 2011 surtout, là. Ça me surprend. Ben oui. Tout le monde est surpris. Hein, monsieur le Président, monsieur les pas trop cathodiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, ça commence fort, là, hein? Bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Reynaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Reynaldienne. L'absurde aventure de cette émission s'ouvre à l'instant. Hey, c'est bien d'avoir dit ça, là. Comment ça? Ben, tu allais répéter Errance Reynaldienne. Ça fait 50 000 fois que les gens savent ce qu'ils écoutent. Oui, mais là... C'est écrit. Ben ouais, mais c'est prévu dans le scénario, mais tu peux déjouer. Mais c'est ce que j'ai fait. Ouais, bravo, bravo. Nous marcherons ensemble. Vous vous chicanez vous-même. Non, non, non, non. Non, je remets des points sur les i et les i dans les points. Aïe, aïe, donc. Comment ça fait? Est-ce que ça fait mal rentrer les i dans les points? La première fois, oui, mais avec l'habitude, m'a expliqué comment ça se fait. Je crois que sincèrement, là... De un, on n'a pas le temps. Puis de deux, ben, ça intéresse pas les gens. Hey, arrête donc, toi, ça intéresse pas personne, dis pas ça. Hey, tout le monde voudrait savoir ça. Bon, OK. Plus tard. Ah non, maintenant, sinon on se rappellera plus de ce que tu viens de dire. Ben là, déjà, là, on sait même plus. Oh, OK. Toi, t'es comme le poisson rouge. On le fait, oui. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier rénal de Gagné. Alors aujourd'hui, le vendredi 7 janvier... On n'est pas le 7! Hey, joue le jeu. Hey, joue le jeu. Le jeu. Quel jeu? Y a-tu des prêts à gagner? Il n'y a rien à gagner. Ah, ben voyons, tu t'appelles comment? Gagné. Ben, qu'est-ce qu'il y a à gagner? J'espère que c'est pas toi. Non, non, non. Moi, c'est mon nom, là. J'ai pas choisi. Sinon, je me serais appelé... Vachière de la Pourge. Ben ouais, tu t'en fais... Hey, les gens, à l'école, déjà là, t'aurais été dépourvu. T'aurais été lapidé, puis tu serais même pas vivant actuellement. Ben là, déjà là, à la naissance, je devais même pas être vivant. Ah, ben là, c'est vrai. Mais va chier de la poche. Pourquoi de la poche? Ben, parce que je trouve que ça fait noble. Ben, mon Dieu, ça fait pas noble, ça fait ignoble. OK. Oh, c'est bon, prends ça en note. Jean-Luc, prends ça en note. Ignoble, ignoble. Bon, j'ai pas de crayon. T'as pas de crayon. Voyons, d'or, t'as quoi devant toi, là? Ben, j'ai des micros. Ben, ouais. Ah, ben, dis-le dans le micro. Oui, mais c'est pas branché. Ben, là, c'est si je t'entends, comment ça, c'est pas branché? Oui, mais c'est ton émission. Ah, c'est vrai. Dis pas ça à mon émission parce que ça vient de moi, ça, là, hein? J'ai des droits d'auteur là-dessus. Si j'entends ça ailleurs, sa planète, qu'est-ce qui va t'arriver? Rien. T'as raison. Aujourd'hui, le vendredi 7 janvier 2011, jouez le jeu, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole au gestionnaire. Et imagine-toi, la semaine prochaine, les gens qui vont nous avoir écoutés aujourd'hui vont dire « Hey, il me semble que... » Comme c'est la même émission, hein? Es-tu normal? Non. Non, non, non, non, non, non, parce que ce bruit-là, vous ne l'entendrez pas à le 7. C'est unique au premier. Alors donc, laissons sur la chaussée. Il se prend pour un malade, non pour Houdini. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les abras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous pour la dernière fois autour de la créatrice chanteuse. Incroyable interprète et sublime demoiselle Agnès Bill. Mais elle n'est pas juste sublime, là. Elle a toute l'intelligence et voilà. Agnès Bill. Hey, t'as eu peur, hein? Tu voulais te faire taxonner, hein? En 70, les femmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur place. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'elles deviennent? Qu'elles restent comme elles sont, extraordinaires, merveilleuses et avec leurs droits acquis. À qui elle le doit? À Lise Payette! Entre autres, à Lise Payette. Est-ce que les filles d'aujourd'hui. Premièrement, là, les filles qui militent, pas les poupounes, là. Les poupounes, ils militent pas, eux autres. Ils ont pas de cerveau pour militer. Ils ont pas d'humilité, ils ont juste de l'humidité. Oui, mais une poupoune avec de l'humidité, ben, ça donne pas de, c'est sûr, devant la calotte à l'envers, ça donne des points. Mais devant un intellectuel de gauche, là, qui essaye de comprendre l'anarchie de Darwin dans son interprétation la plus singulière, la pouponne ne l'intéresse pas. Hein, mais la petite, comment qu'elle s'appelle, donc, c'est Marguerite Simonose. Non, c'est pas ça. C'est Marguerite Ursunars. L'intéresse davantage que l'autre, la popoune. Alors, qu'est-ce qu'il disait, donc? Issu d'une famille d'intellectuels, pas... ben, on parle d'Anaïs Bill. Issue d'une famille d'intellectuels, la petite Bill s'intéresse naturellement à toutes les formes artistiques, la palette, l'avant-palette, les dents, comment ça s'appelle les dents? Moi, j'ai plus de facilité avec les doigts, hein? Le pouce, l'index, le majeur, l'orgueil, hein? T'en as fait deux! Mais non, le pouce, le majeur, l'annulaire, l'orgueil, le pouce... l'index, le majeur, l'annuaire. Ils veulent enlever l'annuaire des pages blanches. C'est épouvantable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de publicité. Ben, voyez, si les gens n'ont pas d'Internet, comment ils vont savoir quel numéro m'appelle? Comment avoir le numéro de ces KRLs? Ils vont pleurer les larmes de leur corps. Hey, il faut remettre l'annuaire, l'annuaire, l'auriculaire, en tout cas, le petit doigt. Et les dents, je sais pas, là, c'est quoi, c'est la molaire, la presque molaire, la molaire branlante, la molaire pourrite, la molaire arrachée, puis la molaire qui a fait mal. C'est tout ça, c'est toutes les dents, ça. Mais je connais rien d'un dent, moi, là. Mais faut dire que tu t'avantages pas, t'en as pas. Ben voyons, veux-tu dire que je suis un édenté? On peut pas parler là-dessus. Ici, ben en plus, ça s'intéresse qui savoir que t'as pas de dents, là? Mais si j'en ai pas, pourquoi je parle comme ça? C'est parce que t'en as trop. Alors donc, issu d'une famille d'intellectuels, la petite Bill s'intéresse naturellement à toutes les formes artistiques, vous le saviez, je vous l'ai dit, notamment à l'écriture et à l'art dramatique, s'inspirant de Brel, Brassens, Renaud et Anne Sylvestre. Agnès Bill apprécie beaucoup la chanson française à texte. Elle décide de chanter la réalité à travers son univers où se mêlent poésie, humour et militantisme. Oh, oh, oh! Tu t'es accroché! Non, mais parce que la dernière fois, vous vous souvenez, en 2010, là, j'ai dit autre chose que militantisme. Ah, ben là, on va retourner la cassette. On peut pas retourner la cassette. Et elle fait ses débuts au limonaire en 1998. Moi, je préfère la limonade, hein, ça rafraîchit. Le limonaire, pas trop, hein. Ben, pour l'artiste, là, ça lui donne une issue, hein? Une ouverture! Vers le succès. Ah, t'as raison. Man, tu parles vrai. Tu parles comme si t'étais une vérité vivante à deux pattes. Moi, mais j'ai deux pattes, mais deux bras aussi. Puis deux fesses qui se connaissent, deux pieds pour danser, deux yeux, tant mieux. Puis deux oreilles. Deux oreilles pourquoi? Donc deux oreilles, je sais pas. Deux oreilles pour! Des oreilles pour! Y a personne pour me répondre. Deux oreilles pour! Pour attendre! OK, mais c'est pas ça la vraie comptine. J'aimerais bien que les gens me racontent la comptine. Lorsque je terminerai mon micro, là, je vais raccrocher le téléphone. Vous me direz la comptine, OK? Bon, c'est beau. Tout le monde ensemble. Un appel à la fois. Alors donc, elle fait ses débuts au Limonaire en 1998. Invitée par Charles Aznavour. Regarde-moi, Larita a le téléphone déjà, là. C'est pas le numéro de téléphone, mais elle a le téléphone, hein? Ben, c'est 88-648. Ça, c'est mon numéro de téléphone privé. T'as pu le 648. Et puis donc, elle fait ses débuts au Limonaire en 1998. Les gens qui... OK, t'as pu. 648... 1586. 648-1586. Hey, si vous appelez une autre personne, je m'excuse infiniment. Je voulais pas la déranger. Dites pas, ça vient que moi, là. La police va arriver, ils vont m'embarquer, l'ambulance, elle peut pas, je suis trop gros, j'ai mangé depuis 2h30 des sushis, des choses inexistantes, puis c'est des auditrices, des auditeurs qui m'ont... Merci à tout le monde qui m'ont nourri, hein. La ville de Québec m'a amené un lunch. Alors donc, maintenant, ça donne soif, cela, il y a du breuvage en vue! Non, il y a rien en vue. Ben voyons, on voit plus rien. Ben c'est ça, il y a pas de breuvage en vue. Elle a fait ses débuts au Limonaire en 98, invitée par Charles Aznavour. Oh, Charles Aznavour. Elle l'accompagne durant ses tournées pour faire sa première partie entre octobre et décembre 2010. Aujourd'hui, elle sillonne la francophonie et amène au paysage musical une couleur singulière qu'elle défend depuis le début de sa carrière. Maintenant, enrobons-nous en ce vendredi. Proposons-nous... Je sais. On est samedi, mais chut, ils savent pas. Qui ça? Mais voyons donc. Aujourd'hui, elle s'y a... Maintenant, robons-nous à ce... Proposons-nous un ruban, un film humaniste entre vous et moi. Un voyage chargé pour cette nuit... Comment? C'est pas... ouais, c'est... Hivernal. Non, moi, c'est Rénal. OK, excuse-moi, Rénal. Je voulais pas dire Rénal pour toi. Je voulais dire Hivernal. Hivernal, je connais pas, lui. Il travaille à CKRL. Mais non, c'est l'hiver! L'hiver? L'hiver aussi, CKRL est ouvert. Mais c'est pas ça qu'on a dit, Hivernal! Mais c'est Rénal qui est là, au bout de la ligne, là. Ben, il y a pas de... monsieur Tabar. Hey, là, on va l'arrêter ici. Je pense qu'il pète légèrement la pelouse. C'est pas ça, c'est les plombs. Non, lui, il pète la pelouse. Alors donc, il y a plus de pelouse, il y a plus de glace, il y a plus de neige, il y a plus rien. Comment ça, c'est pas ça qu'on a dit, là, tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a dit? On a rien, non, on n'a pas commencé. C'est tout beau, il fait noir. Juliette danse, c'est... Ah oui, ben, monsieur Gall, les gens remontent, hein? Ils ont pensé voir les feux d'artifice, là, le 1er janvier. Il faisait tellement sombre. Il y avait comme un... C'était... on sentait presque le vampire, là, à Londres, là. C'était comme ça. Et puis, on n'a pas vu le feu d'artifice. Hey, les gens de Québec, là, en dehors de la haute ville, on n'a rien vu. On a observé un champ de brouillard. Puis là, au-dessus du champ de brouillard, il y a des gens qui faisaient... Ah! Oh! On croyait qu'il était en train de compulser, là. Alors, un voyage chargé pour cette... nuit automnale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique et le générique nous enchanter, surtout la musique? Oui, oui. Alors, place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme rénaldien et surtout, place à la zizique. 10 questions à te poser. Alors, à chaque fois que je fais des rencontres, je l'ai fait avec Jean-Claude Dreyfus, je l'ai fait avec, certains chanteurs. Comme là, je vais rencontrer Louisville, il passera par la casserole. J'aimerais savoir tes réactions face à mes 10 questions. Et voilà. La première, c'est si tu étais un liquide. Du champagne. Pourquoi? Parce que le champagne, j'adore ça. Ça désaltère, ça a bon goût, en plus c'est pétillant. Okay. Et j'aime bien en plus la douce ivresse que ça procure. Ah, et en plus j'ai fait une chanson qui s'appelle Soif de champagne. Oui, ben oui, si tu étais une ville. Paris. Ben oui, ben alors, hein, on va tout début d'entretien. Si tu étais une langue. Langue de vipère. Ok, mais une langue parlée. L'italien. L'italien. Ah, oh, toi aussi? Bon. Si... Pourquoi moi aussi? Ben, parce que j'ai rencontré Jean-Claude Dreyfus qui lui aussi adore l'italien. Je sais pas. D'abord, aussi. Je parle bien italien et en plus, c'est la langue de l'amour. Ok. C'est une langue qui rebondit, qui est douce. Et qui est douce en bouche et douce à l'oreille. Mais tu parles très bien l'italien? Je parle pas mal du tout l'italien. Alors, est-ce que éventuellement tu feras quelques chansons en italien? J'ai déjà chanté quelques chansons en italien. Par contre, j'ai pour l'instant, en tout cas, pas envie d'écrire en italien. Moi, vraiment, j'aime éperdument la langue française. Et pourquoi? Pour sa diversité, pour son imagerie, pour... Oui, pour ses images. Pour ses images, et j'aime jouer avec elle, donc pour l'instant, je lui reste fidèle. On mais, verra plus tard. Mais tout à l'heure, tu as dit une langue de vipère. Pourquoi une langue de vipère? Est-ce que ça m'amusait. Okay. C'était la première langue qui t'a vu. Voilà le mot langue. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. School, like a real, real cool. Gotta dance like a fool. ici et maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Alors, en fait, c'est pas compliqué parce que je peux pas vous cacher que pendant la période des fêtes, là, je suis en train de brasser, hein. Je brasse pour rien parce qu'il reste juste un coupon. Un coupon, pis c'est pas un coupon rabais, Madame Tremblay. Ben voyons donc, je pensais m'en faire mon supermarché gratuitement grâce à Hélène Saint-Nadienne. Vous trompez complètement. Ben, hey, y'a pas de ballonné gratuit? Non. Gratis? Même pas. Rien n'est gratis! Ben là, faut payer votre ballonné, là. OK, ici, je prends de la surlonge de papayes. Oh, oh, ça, c'est tendre, hein? Oui, papayes, ça n'a jamais sorti en hiver, ça, là. C'est comme les voitures de curé. Ben, les voitures... Est-ce que c'est tendre, les voitures de curé? Non, mais c'est propre, hein, s'il vous plaît. Alors, donc, la première phrase de cette phrase... Première phrase de cette phrase, hey, là, c'est passablement phrasé, comme les chansons de... Comment ça s'appelle, donc... Attends, Michel Legrand. Ça, c'est phrasé. C'est stéréo. On a les moyens, on les a pas. C'est pas vendable, les gens jetteront pas ça, ça vaut pas une scène. Alors la première phrase, c'est une expérience bizarre d'être un gigolo, surtout quand on n'est pas professionnel. Même David le roteux, là, non, c'est pas un roteux, c'est hot dog. David le hot dog, non, c'est les rot. À force de manger des roteux, est-ce qu'il gratte le roteux? Mais moi, j'ai le roteux, écoutez, après 2h12, moi là, je sais pas, j'ai comme l'estomac qui crie famine, j'ai la fourmi sa vermine. Lui priant de lui planter quelques graines pour subsister, surtout des hot dogs pour des chiens chauds. Pour subsister, y en a-tu des chiens chauds dans la ville actuellement? Promenez-vous, vous allez avoir des chiens chauds. Hey, c'est pas de gêne, ça va uriner sur votre palier, vous qui lavez tout ça propre, si vous voulez que ce soit propre là, c'est pas le moment. Ouvrez la fenêtre, regardez ça, il y en a un qui a le pissé. C'est pas un quatre pattes qui, c'est pas un chien à quatre pattes. Comment ça? C'est un chien à deux pattes. Oh mon dieu, est-ce qu'il la boit? Je sais pas, mais tu comprends pas quand tu parles. En fait, il parle pas, il marmonne. Hey, monsieur, c'est privé ici. Alors, c'est pas ça, c'est pas bonne année, là. T'es en train de pisser sur mon palier. Arrête, tu me pisses sur lui. Hey, c'est des pantoufles de moflette, là. Ça a été acheté en Sibérie par des mamoines de Paris. Hey, monsieur, le mamoine de Paris qui t'ajoute ça, là, tu veux pas qu'il pisse dessus? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Là, là! Mon, dauphin de Jésus, premièrement, j'aimerais que tu te pètes à deux pattes, à genoux, pis que tu fasses un Dieu notre Père, tout puissant, pendant 2 semaines. Ben, pas, il comprendra pas, lui, en haut, là. Il va jamais te pardonner. Tu vas aller en enfer. Hey, regarde, je te laisse ton billet, tu vas aller en enfer directement. Parle pas ça, toi. Tu marmonnes, là, mais en haut, ils comprendront pas. Tu donnes le billet, puis tu vas être à côté de ben des politiciens. Hey, arrête d'eau! Là, je te donne un petit cadeau, parce que sinon, ben, j'appelle la police, moi. Je connais la police, ben, personnellement. Veux-tu te nommer des noms de police, moi? Mais tu comprendras même pas. Tu balbuties, et t'as l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne parle pas, monsieur, on marmonne. Il faut dire que l'autre, là, qui a des carottes dans les cheveux, qui est méchant comme une teigne, et qui a jamais vu un peigne, parce que sa grand-mère marmonne, elle aussi. Dans la vie, il y a des amis. Ben, il y a pas d'amis dans la vie. Si tu crois avoir des amis, regarde-les en arrière, ils vont te poignarder, c'est des ennemis. Ça existe pas, les amis! Quoique, faut que t'y mettes à l'épreuve. Et ça, j'ai dit des petits trucs actuellement, là, à Hélène Saint-Nadienne. Si vous pouvez pas m'écouter, là, à cet instant précis, vous dites, je dois aller me coucher, je travaille tout à l'heure. Ouais, mais le 7 janvier, c'est la même émission qui va passer. Hey, ça, on divulgue des affaires, là. Veillons donc, comment ça, le 7 janvier? Ben, je fais l'émission du 7 actuellement. On n'est pas le 7, on est le premier. Ben, t'es toute mêlée, Mme Tremblay, c'est comme d'habitude. Ta fille, là, sais-tu où elle est, là? Elle est dans son lit. Ben, allez voir, puis on va revenir. Hein? Allez voir, on va attendre. On est patient. Allez voir. Ben, voyons, elle est dans son lit. Allez voir! Allez! Mais hey, on va dire les vraies affaires, là. S'imagine, moi, les brebis, là, puis les gens qui se mettent... Comment tu les appelles? Bambi, là. Ah, mon Dieu! Puis, votre fille, elle est pas dans son lit! Ben non! Où est-elle, vous croyez? Elle est partie faire des neuvaines? Ben, hey! 2011, des neuvaines! Qui fait des neuvaines en 2011? Des concentrés. Ben voyons donc, des concentrés. Croyez-vous que votre fille est concentrée? Non, elle est déconcentrée à l'école, hein. Elle a un petit garçon, là, casieux. Ben, elle est partie avec lui, elle est là, puis elle est pas ailleurs. Hey, manteau. Hey, plume, donne-moi ta plume pour l'amour de Dieu. C'est le tango des gros choux-fleurs de l'Isée. Celui qu'on a à fleur de peau, litisée. C'est le tango des belles hôtesses, ticules molles, qui apprennent le tango à l'école. L'estérol, c'est le tango à l'horizon, talement, qu'on danse en jouant du talon, prolongant, que je te frictionne de bas en haut, régano, avec la brosse de mon tango. Mango, c'est le tango des petites mains qui sont pluguées d'un vite char, qui font bye-bye comme des pantins articulés par un ressort. Et c'est le tango des manchots qui n'ont pas de main pour dire allô, qui n'ont pas de mots pour dire Alain à l'Institut Albert Prévost sur le boulevard Gouin. C'est le tango des obsédés démocratiques qui ont toutes vu, toutes lues, toutes bu. Bureaucratique, même ceux dont la maman s'est dit versifiée, qu'on est parfois bien mieux couché. Roger, c'est le tango de Carcassonne, Nat Faulkner, quand il s'en va dans les barbottes en rubber, trinqué avec les marginaux minérales, en se sentant plein comme un nez. Mental, c'est le tango des petites mains qui sont pluguées d'un vide de char. Font bye-bye comme des pantins articulés par un ressort. Et c'est le tango des manchots qui n'ont pas de main pour dire allô, qui n'ont pas de mots pour dire Alain à l'Institut Albert Prévost sur le boulevard Gouin. C'est le tango des grands niaiseux à la coque qu'on danse pour faire la chasse aux fous, rure de phoque, pendant les longues soirées d'hiver de mescal. Ça nous ramène au bord de l'eau. Putain! Si tu étais une époque... Le début du 19e siècle, la belle époque. OK, la belle époque. Pourquoi? Pour rencontrer ces gens-là, pour... Parce que c'est une époque où... Il y avait tout à faire. Déjà, quand j'étais petite, le métier que j'ai voulu le plus faire, le plus longtemps, c'était danseuse de French Cancan. Oh! Parce que c'est une époque où les chanteurs, les peintres, les acteurs, les poètes se côtoyaient. Et je trouve que c'est une époque où il y avait plus de l'envie de tutoyer les étoiles et plus de facilité entre les artistes à se parler, à être amis, à vivre l'aventure. Alors tu dois aimer le film Moulin Rouge quand même. J'aime surtout le film French Cancan de Jean Renoir. Ah oui, ben oui, ok, mais ça c'est les années. Mais j'ai beaucoup aimé Moulin Rouge, oui. Okay. Notamment la chanson Roxane. Oui, ben oui. En version tango, là, elle est incroyable. C'est vrai, effectivement. Si tu étais un mot... Migale. Pourquoi migale? Parce que c'est un mot qui est joli à l'oreille et qui signifie quelque chose de moche. Oui, ah oui, c'est oui. Animal. Donc j'aime bien la consonance et la variante aussi, la beauté du mot, mais et la laideur de ce que ça signifie. Exactement, c'est le Mr. Hyde du mot. Si tu étais une saison. L'automne. L'automne, pourquoi? Parce que tout s'éteint et pour mieux régénérer. Non, justement, parce que tout devient tout rouge et que c'est l'époque où je trouve la nature la plus belle, avec les forêts qui deviennent de toutes les couleurs, passant du jaune au brun, en passant par le rouge, le orange, c'est flamboyant. Parce que c'est la rentrée scolaire avec, à Paris en tout cas, il y a une énergie dingue. Tout le monde rentre avec ses bonnes résolutions qu'il perdra dans 2 mois. Ouais. Parce que c'est une période que je trouve est très excitante. On a envie de faire plein de choses en automne. On retrouve les amis et j'aime bien l'énergie qu'il y a au mois de septembre. Quand il est tout sur le fond. la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans rire le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Rêve de voir son visage de l'actrice à la danseuse. À l'épouse la meilleure. S'en va de vos valeurs sans vous menacer d'une âme quand il détruit une femme et lui fait porter les fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Vous pouvez danser là.